Ghost avec le tonton Rimka. F, elle est notre fait le sourire Bilka. J'crache que du feu quand j'suis dans la binka. J'envoie que des big tacles et ça fait des big tâches. Pas besoin d'une goutte d'alcool pour pouvoir envoyer. Ramène le plus gros poisson, j'vais te montrer comment noyer. Ils sont manqués par les aides, pas leur maman pour loyer. Avec nous faut parler doucement, faut pas aboyer. J'me sens comme Scoboy qui a un calibre sur saut. La juge est sournoise, elle veut révoquer mon sursis. J'attends des colis, j'en ai reçu 5 sur 6. Si mon filoche en hélico, j'avais 5 sur 5. Ils ont mal fini les gravons qui ont vendu les roues. Quand je vois un blaveux casqué, on dirait Calimero. Quand je vois une bitchie, je lui demande son numéro. Là je suis avec Rimka, on veut des Gineros. Coûte que coûte, coûte, ça découpe, coupe. Ils sont pas logiques comme un go fast en tuk-tuk. On touche à la source, ils snitch, on les couche. Le poisson se fait choper en ouvrant la bouche. Coûte que coûte, coûte, ça découpe, coupe. Ils sont pas logiques comme un go fast en tuk-tuk. On touche à la source, ils snitch, on les couche. Le poisson se fait choper en ouvrant la bouche. Le regard noir marqué au visage. Je remets la mosquée au milieu du village. Tu reçois mon message même si t'es au mitard. Comme les grands joueurs, j'ai une clause libératoire. Triste journée, pas de soleil entre les tours. J'aime pas assez la vie pour avoir peur de la mort. Arme de catégorie après à l'emploi. Si tu sais pas qui est le client, c'est plus c'est toi. J'ai les deux mains dans la fournaise. Avec un collègue en moto japonaise. Mon cœur saigne comme ses menstruations. Des mains de maçon pour mourir, mais le façon. Siège pupé, la sécurité enfant. Ils m'ont tiré dessus, pourtant on était ensemble. Faut les petits frères se faire la guerre pour un territoire. On vit tous en paix, j'ai arrêté d'y croire. Coûte que coûte, coûte, ça découpe, coupe. Ils sont pas logiques comme un go fast en tuk-tuk. On touche à la source, ils snitch, on les couche. Le poisson se fait choper en ouvrant la bouche. Coûte que coûte, coûte, ça découpe, coupe. Ils sont pas logiques comme un go fast en tuk-tuk. On touche à la source, ils snitch, on les couche. Le poisson se fait choper en ouvrant la bouche. Coûte que coûte, coûte. Pas logique comme un go fast en tuk-tuk. On touche à la source, ils snitch, on les couche. Le poisson se fait choper en ouvrant la bouche.